Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 29 avril. En fait, c'est une période 29 avril jusqu'au 12 mai 2013. Mais c'est l'édition de la semaine là, dans laquelle il y a le 29 avril. Pas mal ça, ça veut dire. Ben voyons donc, c'est tombé fastidieux comme intro. Ben c'est compliqué quand on a un palmarès qui s'étend sur plusieurs semaines. Bref, c'est la dernière de la saison des Palmarès C'est fou et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, donc les choses au clair, là, c'est la dernière émission, celle de la semaine du 29 avril. On va se quitter pour tout l'été. Plus de Palmarès C'est fou. Par contre, on va l'annoncer d'ici la fin de l'émission comment on va procéder pour le reste de l'été. On va fusionner avec Assemblage Requis comme on le fait fréquemment. Et cette fois-ci, ce sera à la plage. Ça va être chaud. Oh, que j'ai hâte. Donc voilà pour cette édition qui va durer, c'est quoi, c'est 2 semaines? C'est pas mal? Pas 3 semaines, 2 semaines. 29 avril au 2 semaines. On va avoir là-dedans quelques nouvelles entrées. J'en compte 7 en anglophone. Il y aura entre autres Boy, Sun Mines, The Clicks, Fiddler et Rara. Et du côté francophone, La Femme et Violette Pie. Mm-hmm. On va avoir aussi nos chroniques préférées. Comme toujours, un instant classique. Oh! Immanquable. Palmer Rest in Peace. Ah! Et tant qu'à faire, un peu de David Ferron avec Brancher le Monde. Y. Exactement. C'est ça. David Ferron qui va venir se mettre dans nos pattes, comme toujours. C'est ça qu'on le voit souvent, c'est en site. Il est partout, il ce gars-là. Il était pas supposé être aux 2 semaines. Oui. Ça, je le vois partout, là. Je le vois dans ma soupe, dans mes céréales. Ah, ben, c'est un gars qui laisse ses traces, hein. Tu sais, c'est comme arriver comme un cheveu sur la soupe, mais là, on pourrait changer comme arriver comme un David Ferron dans les céréales. Ou... Ah, OK, ouais, dans les céréales. Non, oh, il est dans mes céréales, carrément. C'est beau. À matin, sa face à travers les cornflakes, là. Oui. Ça surprend. Ça réveille. Il est très laid. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Il était laiteux un peu. Laiteux. Il avait comme une moustache de lait. Voilà. Donc, nos numéros la semaine passée étaient du côté anglophone, Thomas Darcy avec I Wake Up Every Day. Et du côté francophone, c'était Sarah Nrap avec Absinité. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission, mais on commence en nouvelles entrées. 20e place anglophone, plus tard, ce sera Rara avec Heart and Wife. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va écouter Petit singe robot de Violette Pie. C'est ce qui commence les palmarès, c'est fou! Aïe! Oh! Oh! 20. Nouvelle entrée. Full of heart and a wife. Full of heart and a wife. numéro 19. Nouvelle entrée. La nouvelle entrée de Fiddler, en beau sur numéro 19 anglophone, c'est Wait for the Man sur l'album Fiddler. Et du côté francophone, c'était Sur la planche 2013 de La Femme. Oui, c'était quoi ça, La Femme? C'était bon, c'était différent. La Femme. Très différent. On a entendu aussi les 20e places, Rara avec Art and a Wife, deuxième extrait de l'album The Poet's Dead. Oui, du côté francophone, c'était Petit singe robot de Violette Pie avec la petite passe bizarre de métal. Ben, c'était comme pas nécessaire, on dirait, hein? Ben, c'est parce que ça surprend. Tu sais, la chanson est super douce, un peu comme leur ancienne, leur précédente pièce, Fleur de Londres, super catchy, super entraînante, rétro quasiment. Puis là, t'arrives, t'as un gros bout de métal au milieu. Tu sais, je dis pas le bout de métal est pas bon. C'est juste qu'il détonne beaucoup. C'est ça, non, ce serait bon dans une chanson où ce serait un petit peu plus approprié. Exactement. N'est-ce pas? Alors voilà pour ce bloc de nouvelles entrées. Mes préférés là-dedans, certainement Rara au sommet et Fiddler. Pas mal les deux anglophones. Hein? C'est bon. Donc, il nous reste encore trois nouvelles entrées avant de continuer. Justine Renaud vient d'arriver. Hello! Ouais! Il a fallu que j'identifie mon micro. En forme? En forme de cœur. Oh! C'est donc bien cute! J'aurais pu être en forme de losange, ou en forme de trèfle, ou en forme de pique, mais on joue pas aux cartes. Fait que juste en forme de cœur. C'est combien que les cartes? 52 ramasses, 54 ramasses. 52. 54 avec les jokers. Avec les jokers, tu vois, moi, c'est ça qui ouais, me mais il y a personne qui joue avec les jokers 52 ramasses, sinon tu deviens mêlé, là, parce que là, t'as comme des frites. Non, c'est pas vrai. Comme, mais là, comment tu peux te mêler, maudite conne? Tu casses ton paquet de cartes en ordre de qu'est-ce qui est frimé au début. Exactement. C'est ça qui est, je comprends. Ah, donc, Justine, qui est là en visite surprise, en fait, et aux deux semaines d'habitude, et là, t'avais une chronique la semaine passée, et tu devrais pas être là nécessairement en ce moment. Exactement, fait que je procrastine de mon travail au labo pour venir vous parler et venir savourer ces derniers moments avec vous. Tout à fait. Cool! T'as pas encore fini ta session? Non. Ça achève-tu, ça? Ben, en fait, c'est différent. C'est juste qu'on a une session un peu bizarre parce que j'ai un oral dans deux semaines, mais sinon, en tant que tel, j'ai tout fini mes examens. Okay. Mais j'ai quand même pas toutes mes notes de rentrée. Le stress et la pression restent étant donné l'oral. Oui. Ouais. Mais les performances orales, c'est très important pour moi. Ben oui. OK. Les présentations. Ah oui. Je suis parti dans un autre domaine complètement avec ça. Mais... Mm-hmm. Donc, Justine qui va nous présenter une chronique. Justine procrastine, c'est la fin de l'émission, oui, le plus tard possible. Une toute brève. Okay. Juste pour vous faire agacer. Entendre un peu ce avec quoi je procrastine ces temps-ci. Mais rien de compliqué parce que je n'étais pas censée être là, fait que ça ne faisait pas partie de mon planning. Oh, hein? Donc, ton ça va pacing. Être. C'est juste parce que je vous aime que je fais ça. Hein? Oh. Juste pour vous. Nous, c'est parce qu'on t'aime qu'on t'a invité à la dernière de la saison. Parce que on sinon, je peux inviter. Non, comment? Hein? Hein? Quoi? Hein? Steph a dit qu'elle était choyée. OK. Confusion totale dans les voix ici. on aime ça. Au moins, on est juste trois, puis on réussit à se confondre quand même. Quand on est cinq, ça va super bien. Je comprends pas. Donc, Justine, plus tard. Pour l'instant, on a encore d'autres nouveautés à faire. On va y aller tout de suite. Et ils sont tous du côté francophone, non anglophone, anglophone. Plus tard, il y aura Boy. Retour pour eux. Et Sun Mines, mais on débute en 18e place. Ah oui, en 18e avec Savannah et de Clicks. De Clicks. Voilà. Bien dit, ça. De Clicks. Clicks, c'est pas une marque de pois chiches? Oui. Oh, hey, j'ai une anecdote de pois chiches. Clicks, quand on va retourner. Écoutez, j'ai une anecdote de la mort. Mais on va aller en musique avant. Ah ouais, avant? Ben là, je me peux plus. OK. Mais c'est important. Mais ça va être après, parce que là, on m'a assez entendu. Les gens, ils veulent un break dans leurs oreilles. Oui. C'est une petite dose, hein? Moins que David Ferron, mais quand même. Il s'en vient tantôt, c'est vrai. Oups. J'espère qu'il écoute pas. On l'aime. Oui, on l'aime. Bonjour, David. Rempli d'amour. Hein? J'espère qu'il va venir. Il était supposé apporter du yoga. Ben, c'est important, du yoga. Oh! Clin d'œil. Vous êtes au commentaire assez fou. Stone cold, don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway out the door someday. Take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. Cause I'm halfway out the door and you're screaming out for more, baby. Give your tears a count of four, cause I know I'm gonna hear you say. Numéro 16. Nouvelle entrée. She's so easy to fall for, but boy, she's so hard to hold. She looks at you like a warning. You know you're gonna be hungry when you get home. Her lips make the cherries and the berries and the apples look pale. She could ask anything, you would do anything, no matter what, you would obey. And she turns every room into a dance floor. But she turns and she sways and she spins. And you're standing still like a statue. And you can't take your eyes off her skin. Every word from her mouth turns to gold. How can you ever catch her eye when she's all colors and heat, you're all gray and cold? You keep looking up, but she'll never, ever look down. Oh, look at this part you've chosen. You're the jester of the queen. She's the queen of the town, and you wish she was in a movie. You could watch at home 10 times. You could just sit without having to think about something important to say. C'était Boy avec une nouvelle entrée. Le deuxième de leur album Mutual Friends, c'était Oh Boy. Et tout juste avant, en 17e place, c'était Sun Mind avec la pièce Price for Freedom. Et tout juste avant, The Clicks et la pièce Savannah. Click. Parlant de Clicks, tantôt, Justine avait une anecdote qu'elle nous... L'anecdote de pois chiche? Ben, pas de pois chiche. Il faut commencer par le début. Là, c'est pas moi qui ai fait l'allusion au fait que Clicks est une marque de légumineuses. C'est pas moi qui passe son temps à regarder c'est quoi les marques des légumineuses. Non, je suis Mais coupable. Mais puisque Stéphanie a soulevé le lien, je n'ai guère le choix que de vous raconter l'histoire de ma grand-mère et de ses petits pois Clicks. OK. Qu'est-ce qu'elle avait fait ta grand-mère? Ma grand-mère, je la salue, je l'aime beaucoup. Bonjour, Mémé. Comment Mémé, son nom? Mémé. Mémé, juste Mémé. Oui. Okay. Marie-Blanche Lamotte. Ah, tu nous as... Ben oui, c'est la troisième fois. Ouais, c'est la troisième fois qu'on en parle. C'est la même grand-mère. Mémé, oui, c'est tout le temps la même. Donc, Mémé, elle aime beaucoup ça, faire de la soupe au pois, comme beaucoup de grand-mères. Oui, bien sûr. Et elle utilisait toujours des pois clics. Et dans son temps, les pois clics, tu pouvais les laisser, tu les faisais cuire pendant 2 heures et ça faisait une soupe au pois exquise, délicieux. Tendre, pas de petits moutons durs, de petits pois pas ramollis. Et là, depuis quelques temps, elle s'est trouvée insatisfaite de la qualité des pois cliques. Là, c'est récent, ça, là. Oui, elle laissait tremper ses pois 24 heures, puis elle les laissait cuire un autre 24 heures, et ça ramollissait toujours pas. Ben voyons donc. Un beau jour, ma grand-mère, toujours très, très, très revendicatrice, a appelé la compagnie Clique pour faire, dans le fond, cette constatation-là, avec beaucoup de sacre et beaucoup de haine. Et, Quoi? Tu me niaises? Non, mais je veux dire... Comment ma grand-mère a engueulé. Marie-Blanche Lamotte. Ça peut pas sacrer. Non, Marie-Blanche Lamotte, ça fait bien des affaires. C'est amère un peu de la vie et beaucoup de revendications en elle. Elle est très, très amère de la vie. Malheureusement, là, elle a pas eu une existence très, très facile. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand elle est pas satisfaite, elle dit haut et fort. Et je suis très fière de ma grand-mère pour ça. Fait que bref, elle a engueulé M. Click. Monsieur Click. Oh. Mr. Click, I ain't happy with your peas. With your penis? Your peas. Mais je m'attendais à ce que tu dises, comme t'as fait en ronde, que ta grand-mère avait pété. Mais oui, mais c'est quoi? Ma grand-mère, ah oui, ma grand-mère, elle faisait de la soupe au pot, puis là, elle a pété. Là, je cherchais mes mots. Les plombs! Elle a pété les plombs! Oh mon Dieu, fiu, ça m'a soulagé quand elle a rajouté les plombs. C'est comme un pet, ça soulage. Ça soulage, un pet, ouais, ouais, c'est la même chose. Je me suis promis ce matin, Colin, je suis tellement content, au Pomerais, c'est fou, à l'Assemblage Ricky, on fait pas de joke de pet. Finalement, en v'là une. Oh. Mais c'était pas par exprès. Mais je la salue, ma grand-mère, qui a eu raison de se plaindre à la compagnie, qui aujourd'hui nous vend des petits pois passés date, qui sont durcis par la vie. Scandale. Scandale. Alors, c'est bien fait de leur envoyer une brouette de fumier. Si on avait dit d'autres tantôt. Un char d'excréments. Une automobile de ouais. De défécation. Ouais, c'est ça, bref. C'est ça. Une charrette de défécation. Oui, c'est bien c'est dit beau. Comme ça. C'est ça, fait que voilà. C'était ça, mon anecdote de clic. Ça valait la peine. Comme toujours. Moi, j'ai beaucoup aimé la chanson de Boy. Oui, ben parlons-en des nouveautés. Hein. Pour vrai, Boy, là, c'est vraiment génial. Ça me faisait penser un petit peu à Tegan and Sarah. Oui, belle fraîcheur, belle simplicité. Beau lesbianisme, hein. Ça que tu faisais? Ben non, mais j'ai essayé de voir, puis Gay Boy, ça me donnait toutes sortes d'images sur le groupe. Le groupe s'appelle Boy. Tu vas voir la police arriver dans ta maison et oui. Saisir ton disque dur. Oui, un petit peu. Un petit peu, beaucoup, oui. Faut que tu enlèves le Safe Search. Non, faut que tu mettes le Safe Search. Non. Safe Search? Oh. Sur Google, si t'enlèves le Safe Search, ça te montre des affaires. Peu importe l'expression, ça va tout le temps être de la porn. Il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai encore une anecdote. Je vais faire ça vraiment rapidement. Source inépuisable. Je fais de la recherche sur des polyphénols, okay, qui viennent de d'aliments naturels. Donc, okay. Il y en a un, c'est la cucurbitacine. C'est un polyphénol des concombres sauvages de l'île de Malte. Donc, je search sur Google « wild cucumber » et je me ramasse avec des photos. Moi, je voulais juste un cucurbitacine. Oh, t'as rien fait, toi. Mais c'était un petit cocombe tout poilu. Puis je me suis ramassée avec des cocombes tout poilus. T'as mis les petits cocombes tout rasés. Hein? Ou pas de cocombe, pas de cocombe, pas de cocombe, s'il vous plaît. Voilà. Wow. C'est tout. Beau moment. C'est beau, Google. C'est beau, la recherche. Oui. Tu sais, quand on dit qu'on fait de la recherche. Tu sais, c'est là où est-ce que votre argent. C'est ça que ça donne. Ouais, c'est les contribuables. C'est ça. C'est quoi, ceux qui donnent des dons. Les fondations, tout ça. Oui, aux fondations. Mais nous autres, on fait de la recherche, mais on cherche des images sur Google. Ça a l'air de fun. J'ai envie de le faire. Donc, on va continuer tantôt avec d'autres pièces. Oui. Mais vous savez qu'on avait 6 nouvelles entrées cette semaine. Et qui dit nouvelles entrées? C'est bien ça, 6? 7, c'est pas 7? 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nouvelles entrées. On avait donc 7 nouvelles entrées cette semaine. Et quand on dit nouvelles entrées, on dit aussi dire au revoir à des pièces qui ne sont plus sur le palmarès. Ah, ça, j'aime ça. T'aimes ça? C'était ça qu'il y a des quêtes nous pièces. Des quêtes nous pièces. Des pièces nous quittent. Wow! Ben oui, là, quand on les a excusez, là, c'est comme la troisième émission de la journée. Je commence à déparler. Pas toi? On est là beaucoup ouais, en ordre. Oui, il me semble qu'on a passé la journée dans le studio. Hein? On est bien fait pour ce studio-là. Je pense qu'ils nous aiment. T'as la forme du micro étampée un peu. Tu sais, comme une forme d'oreiller là, quand tu te réveilles. Oui, c'est ça. Bon. Hey, qui dit pièce qui nous quitte? Hein? Dis bye bye les autres. Bye bye. Bye Palma, rest in peace. Just mountains of change. C'est les pièces qui nous ont quittés depuis la semaine dernière. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge est collée off.

En 15e place, ça a descendu d'une seule petite place, Ma tête dégèle de Jean-Philippe. En 14e, Boucan de Les Indiens. En 13e, Paul de Rouge Pompier. En 12e, Ta plus belle extorsion d'Oulinéa. Et finalement, en 11e place, ça fait une belle montée de 9 places, Vacances de 87 de Le Couleur. Évidemment, on va retourner à ces positions sautées à la fin de l'émission, si le temps le permet. Et sachez que tout l'été, dans notre nouvelle formule, qu'on n'a pas encore tout à fait dévoilée au Palmarès C'est fou, donc on vous tient ça pour la fin de l'émission, mais on va jouer les palmarès pas mal au complet l'été, parce qu'on va jouer les positions anglophones une semaine, francophones l'autre semaine. Cool. Qu'on va jouer le top 20 pendant nos 4 heures d'émission, mais on en parle d'ici la fin de l'émission. Là, ce qu'on va faire, c'est continuer avec les 10e places du côté anglophone. C'est Groenland avec The Things I've Done qui descend de 2 places. Et du côté francophone, On leur a fait croire d'Alex Nevsky. Alex Nevsky! Oh, moi, je l'aime! Oh. Je l'aime, lui! C'est pas lui qui est dans la pub, là? Oui, c'est lui dont la carrière a pris son nom. Je ne peux pas rester fou. 89 FM. Non, c'est bon s'en rendre compte là, parce que je m'étais rendu compte plus tard que ça arrive l'air fou. Faudrait pas que ça aille l'air fou quand même là. Je veux dire, avoir l'air fou, c'est pas mon genre. Je suis en train de refaire jouer la pièce que j'ai fait jouer tantôt. C'est ça. En tout cas, bref. Alex Nevsky qui va commencer là, mais ça paraîtra même pas ça pour les gens qui vont écouter n'importe quelle autre diffusion que celle du jeudi. Hey, vous êtes au Palmarès C'est fou. Au 89 FM. Ah oui. Oh. Papa, ah ah ah ah, on s'est démaquillé. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos trousses. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. On a repris, puis dilué. On a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait but, et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare sur nos joues. On s'est éteint et déshabillé, on leur a fait croire. c'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89 1 Numéro 10. Arrivé 10 secondes avant, là, vous auriez entendu Stéphanie Paradis éternuer en ondes. Elle a dit Happy Chum. Happy Chum, mais c'était textuellement comme ça, ça sonnait de même. Happy Chum. Mais non. Un peu comme un mauvais acteur dans une sitcom. Garage. Un peu comme. Oui. Un peu comme Étienne de Passillier dans un épisode de Radio Enfer. Oh, quand il fait. Il fait vraiment. Achou! Achou! Achou! Achou! C'est tellement mauvais. Oui. Tu sais, les acteurs, des fois, qui sont pas capables de donner l'impression qu'ils ont un vrai éternuement, c'est pas des bons acteurs dans ce temps-là. Tu sais, c'est comme un symbole, un signal. Oui, c'est ça. Toutes les auditions devraient être simplement évite-moi un éternuement. Éternuement. Puis c'est tout. Ou un OK. Ou un OK. Je pense qu'il y a pas un. Un OK. OK. OK, OK. Ça, tu l'as pas partout. T'es mauvais acteur. Non, non, c'est... Comment? Pas pire. Ah, hey, elle est bonne. Oui, oui, elle est bonne. Elle est bonne. Bon. Toi, t'es pas bon. Ben, mange donc. Ouais, merci. Quelque mange, chose qui te donne un OK plus tard. Parce que moi, peu importe ce que je mange, ça donne un OK. Ah, toi, t'as sérieux? Tout le temps le OK. J'ai pas le contrôle de mon diaphragme. Mais d'habitude, ce sont des OK, mais tu sais, comme unique. Oui, c'est ça. Mais c'est fini. Juste un. Sont à nombre et quantité limitée. Aucun achat requis. Voir détail en magasin. Détail à l'intérieur. Oui, c'est ça. De moi-même. Sont cachés quelque part mes détails. Ouais, wow. Je sais pas si je vais ouvrir ça. Mes détaux. Ouais. Voilà. Tes détaux. Sur ce, oui. On est rendu aux 9e place du côté anglophone. C'est The Best Nerd Lakes. Oui, on dirait un hockey, juste le nom. The Best Nerd Lakes. Avec People of the Sticks. Ça monte la 20e place, c'était le voilà. People of the Sticks. Oui, les gens de bâtonnets. Ah, c'est beau. Et de côté francophone, par le chignon du cou des sœurs Boulay qui a monté de 7 places. Oh! Ouh! À ta boy! Hein? Ils ont tiré sur le chignon. Il y en a qui a un chignon tiré, l'autre qui a un bâton dans le... People de, dans le... Des... Je pars au vent. Dans le... Dans le je pars au vent. Je m'en fous de la poussière. La la la.

C'était The Best Nerd Lace et People of the Sticks, position numéro 9 qui monte la 20e, donc un gros saut de 11 places du côté anglo. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était par le chignon du coup des Sœurs Boulées. Mm-hmm. On se retrouve dans quelques instants avec la musique de Forêt, Atomic Baobab, The Strokes et Andrew Valentine. On va aussi avoir Justine Renaud. Oui! Yeah, bon, on procrastinera pas tant que ça. D'habitude, on te remet à plus tard 116 tout le long de l'émission. Et c'est ça. Ça va être pas mal là après. Hein? Ça va être pas mal là après. Bon. Pas d'issue. Comment? Pas d'issue. T'as dit. Pas d'issue. Ah, d'issue comme non. Dans. Les sorties. Les issues. Ouais. Rien à dire du tout. C'était bizarre, hein? Voyons, je veux. Il pense un petit peu encore. Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F. O. U. 89-1. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès assez fou pour la période du 29 avril au 12 mai 2013, mais c'est spécifiquement l'émission de la semaine du 29 avril que vous écoutez en ce moment, et elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, dernière de la saison, et on est toujours avec Justine Renaud. Toujours. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Ça va-tu bien? Oui, très bien. Est-ce qu'on va te revoir, toi, cet été un peu? Oui, on va me revoir cet été. Good. Ben, je sais pas quand. Non, c'est ça. Mais on va profiter du moment présent, OK? Pour y aller avec ta chronique à toi, là. Celle qu'on connaît tous, qu'on apprécie. Justine! Procrastine! C'est ça. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing in bed today. And it doesn't matter what the athletes say to me, or do not care just what the athletes say to me. Bum bum bum bum bum bum da da bum bum bum bum bum bum bum bum. Ah, que j'ai mon intro, j'ai bien de la misère à pas la chanter quand. Bon, c'est charmant. Oh, c'est magnifique, hein. C'est intro de Mother d'ailleurs. Oui. La chanson de TikTok. TikTok de Mother comme introduction et comme fond. C'est Fast As You Can de Fiona Apple. Voilà. Moi, je l'aime, Fiona Pomme. Fiona Pomme. Ouais. Ah, une Fiona Apple par jour, Edouard, il ne m'a pas toujours. Ouais, mais, ben, ironiquement, elle a marié médecin. Non, c'est pas. Il n'y a pas forcément beaucoup de calories dans une Fiona Apple qui a un passé d'anorexique. La peau sur les os, hein, c'est pas mal ce qu'on elle a pas mal la peau sur les os. Ben là, aujourd'hui, c'est pas mal moins pire, mais dans le passé, là, dans le temps qu'elle a sorti ses grands hits comme Paper Bag puis les autres m'échappent. Dans le bar, tous ses grands succès. Oui, elle était pas mal maigrichonne. C'était mais pas drôle. C'est pas de Fiona Apple que tu nous parles aujourd'hui. Non, en fait, aujourd'hui, tout. Tu nous parles d'une chaîne de nouvelles là, qui fait de la désinformation, mais qui mentionne tout à les mêmes sujets. LCN. Vous écoutez LCN. Non, c'est ça? C'est ça? Oui, c'est LCN. Ah, LCN. Ah! Ah! Je me sens stupide, là. C'est un duo. Un duo canadien, mais il y a quand même un lien avec Fiona Apple qui a fait dans le passé le Festival international de jazz à Montréal. Okay. Mais LCN aussi a apparu à plusieurs reprises dans ce festival-là parce que, dans le fond, en tant que groupe assez calé en jazz, jazz down-tempo ambiant de Montréal, ben, ils y sont invités assez régulièrement. Donc, LCN, qui est un groupe composé de LCN Caplet. Et Stéphane. Caplette comme dans. Caplette d'Advil, je sais pas. Caplette de Tylenol ou caplette de ben gros des médicaments. Là. Liquigel qu'on l'appelle. Liquigel. LCN Liquigel. Donc LCN et Stéphane Soto. Et dans le fond, en fait, je veux juste dissiper là, les rumeurs. Là. Paraîtrait-il que LCN s'est juste nommé après la chanteuse LCN? Eh bien non, c'est pas vrai. Parce que LCN, c'est les quatre premières lettres du nom de LCN et les quatre dernières lettres de Stéphane. A-N-E. LCN. Okay. Ben dans le fond, c'est vraiment juste le nom de la chanteuse. Hein, si tu vas vite de même. Là. Ouais. C'est une diva. Mais diva qu'on aime beaucoup. Elle qui est née au Pérou. Donc, c'est une péruvienne. Vrai. Tu n'inventes pas les choses. Je n'invente rien. Elle est immigrée à Montréal en 1999. Là. C'est quand même pas récent. Ça fait un bout, là. Ouais. Ça fait un petit bout. Mais il y a rencontré Stéphane Soto, qui, lui, est un musicien autodidacte. Puis, ils ont formé ensemble le band LCN en 2000. Et quant à LCN, elle a plus une formation en musique classique. Elle a appris plus tard à jouer de la guitare, comme ben gros des artistes, en fait. C'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui joue pas de la guitare dans le monde de la musique, à part peut-être Céline Dion. Bon. Ben, tu l'imagines pas avec une guitare. Non. Non. Mais tu sais, la majorité des gens, je sais pas, non? Je sais pas. Ben. C'est juste moi ou genre tous les artistes indie savent jouer de la guitare? Au moins trois accords, là. Je sais pas, je connais absolument rien. Genre Do-Ré-Mi, là, tu sais, à peu peut-être, près. Peut-être. Bon, bref, hein, les deux forment un groupe qui ont lancé leur premier album, Hybrid, le 1er mai 2007. Fait que ça leur a pris 7 ans concocter un album. Regarde-moi pas comme ça, Stéphanie. Elle me regarde comme genre facepalm. C'est un peu déprimant, tu sais. C'est un peu déprimant, genre. Tu sais, moi, je suis en train de me retourner pour faire des blagues de risotto. Puis là, je suis comme, ah, Colin, tu sais. Pourquoi risotto? Attends une minute. Concocté? Le gars s'appelle Soto. Soto. Stéphane Risotto. Oh, Stéphane dit ri, entre guillemets, Soto. Oh, mon Dieu. Mais je l'ai pas faite non plus. Mais écoute, j'aime tellement ça, tes blagues, que je vais l'écrire. Puis je te promets de faire une blague en revenant de la pause musicale, faire quelque chose au sujet du risotto. Oui. Une recette? Oh, une recette de risotto en revenant, OK? Mais pour le moment, on va aller écouter en fait une chanson excellente de ce premier album-là, Hybrid, qui s'intitule Vaporous. Et qui a su vraiment conquérir mon cœur pendant la période d'études. Écoutez ce fabuleux morceau très, très smooth parce que moi, je procrastine. Alors, procrastinez donc avec moi. Assez fou. Merci. T'es formé, hein? Alors, c'était Vaporous. Ça comparait pas en tout. Pas en tout. Mais t'es encore debout, là, deux secondes. Parce qu'on avait une discussion au sujet du Seigneur des Anneaux. Parce que je sais pas si vous avez entendu le beau solo de violon. Qui me fait vraiment penser à une petite balade en forêt, en plein Mordor. Bref, mais nous allons immédiatement aller à la prochaine chanson du même album Hybrid. Cette fois-ci, la chanson Across the Stream. Toujours Elsiane, direct de Justine Procrastine. Hein? Donc, savourez donc ce bon moment. Pourquoi tu roules des airs? Ben, parce que ça vire de même. C'était Across the Stream de Elsiane. Magnifique chanson que je trouve assez crémeuse. crème latte. Si cette chanson-là était un aliment, ce serait du yogourt Liberté au mocha 8%. 8% trop élevé. Fruit at the bottom. Ah, ben ça, par contre, j'aime ça. Surtout les. Mais il n'y a pas de fruits. Les yogourts au café avec le café au fond, c'est comme des bulles de genre de crème de café. Là. C'est vraiment bon. Écœurant pour vrai, c'est bon. C'est vraiment bon. Ah, oui. Mais 8%, c'est bon, je te jure. C'est juste. Faut pas que tu en manges trop, là. Non. Je me suis. Ouf. Tu sais, attends un peu. Ouais, c'est ça, renverse rien. Toi. Non, je me suis. Non, je pensais que je m'étais brûlée contre mon ordinateur qui chauffe beaucoup. Non? Fascinant. C'est comme sur Wikipédia quand ils te mettent une image d'un cocon, mais à côté, il y a une main pour te montrer la grandeur, mais c'est parce que la main, elle peut être une grandeur pas mal n'importe comment. Ah, oh, c'était pas pour montrer la grandeur de la main? Non, de par rapport peut-être. Mais t'es allé chercher des cocombes sur Wikipédia. Oui? Probablement, je me demande pourquoi t'es allé chercher des cocombes. Recherche de cocombes sauvages. OK. J'essaie de te comprendre, Justine. Polyphénol naturel et cucurbitacine. Mais c'est pas important, parce que moi, je parle de Elsiane, l'artiste qui m'a fait procrastiner. Rien à voir avec un cocombe. Rien à voir avec un cocombe. Okay. Mais si vous avez été intéressé le moindrement par le jazz velouté que vous a offert ce magnifique duo, vous pourrez les voir en spectacle entre le 28 juin et le 7 juillet au Festival international de jazz encore cette année, parce qu'ils ont sorti un album récemment en 2012 du titre de Mechanics of Emotion, qui est aussi très bon. Mais j'ai juste pas eu le temps de l'écouter, c'est pour ça que je vous ai fait écouter les derniers l'album avant, Hybrid, avec ses chansons Vaporous et Across the Stream, que j'aime beaucoup. Ça sonne un peu comme... c'est ça. Belle voix. Oui, une voix assez particulière. Elsiane. E-L-S-I-A-N-E. E-L-S-I-A-N-E. C'est pas ça que j'ai dit? Ça, c'est le nom du groupe, je sais pas. Moi, j'ai entendu LCN. LCN. Est-ce que tu penses qu'ils ont déjà joué du LCN à LCN? Je pense pour faire la blague, les éviter juste pour la blague. Je penserais pas qu'ils ont des goûts musicaux à la hauteur de ça, malheureusement. Non. Merci, Justine. Oh, ça m'a fait plaisir. C'est Lover comme c'était chanson. C'était impromptu. Oui. Oui. Oui. On aime ça. Mieux que David. Non, c'est pas. C'est une blague. Allô, David. C'est David. David s'en vient tantôt avec sa chronique Brancher le monde. Oui. On a la chance d'avoir deux chroniqueurs dans la même émission. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. On est chanceux. On est choyés pour la dernière. Vraiment, c'est une belle gang. Ça finit bien une session, ça. Mm-hmm. Même si Maxime Tanguay n'est pas là. Mais par contre, j'ai reçu un message de sa part à Maxime et je pense qu'on va réussir à lui parler tantôt par téléphone. Par téléphone? Oui. J'aimerais ça, moi, un jour, parler par téléphone. Tu peux l'essayer. Si tu sors le corridor, appelle-nous. Ouais, c'est ça. Va nous appeler. Ah oui, on fait un spécial. Ça fait téléphone. Vraiment là, une radio sérieuse. Là. Quand il y a des coups de téléphone, des affaires de même. Là, tellement. Tu sais que t'es une radio crédible. Tellement. Avant de passer à ces appels insolents. Parce qu'on est crédible. Oui, on est très crédible. On y va avec nos positions numéro 8. Du côté anglophone, ce sera The Strokes et All the Time qui monte de la 17e place. Et du côté francophone, c'est Corps Maquillé de Forêt qui est monté de 5, 7, 8 places. 7, 8, 9, 10. Non, 7, 8. Je sais plus. C'est pas l'enveloppe du cœur sous. C'est pas mal assez fou. Ouais, c'est... Je cherchais un trou. Ça. Et touche avec les yeux. Et touche avec le foie. Les uns soufflent. Et donne silence. Qui reste sous s'arrête et nous dépose au pied des arbres morts. C'était The Strokes et All The Time, position numéro 8, qui monte de la 17e place. Tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Corps maquillé de forêt. Oui, dans quelques minutes, tantôt, on va voir les instants classiques d'Assemblage requis. Ça s'en vient, les instants, les meilleurs moments de la semaine au grand complet. C'était la dernière semaine de la saison pour Assemblage requis, le matin, évidemment. Donc, on va avoir le droit à tout ce qu'il y a eu de bon dans la semaine, c'est-à-dire 5 minutes, à peu près. 5 minutes 46. Ah, je suis désolée. Mais là, j'ai hâte des ententes. C'est une des rares fois où qui t'espionne pas pendant que tu les fais, donc j'ai pas entendu le bloc cette semaine. Mettons qu'il a été fait à la dernière seconde, mais que c'est bon pareil, hein? Ben oui, ça reste les mêmes moments. Ben voilà. Quand même. Peu importe comment il a été monté, hein. Donc on va y aller avec un autre bloc musical avant de continuer avec les instants classiques. On est rendu en 7e place du côté anglo, c'est Under Valentine et The Pulse qui monte de 3 places. Et que dirais-tu de l'écouter en francophone? Pink Floyd, Atomic Baobab. Eh oui, pensez. Ben t'as pas le choix en fait. Ah ok. C'est pas le reste, c'est fou! Fou! 89 FM! Yeah.

Quelle belle chose. Assemblage requis à la plage à partir du jeudi 9 mai à 14h. Si je ne me trompe pas dans mes dates. Oui, c'est ça. 9 mai. Soyez-y, 14h. Ça va rejouer les samedis à midi et dimanche matin à 10h, toi. OK. Bonheur pour aller sur la plage, vous me dites non, pas du tout. Jamais. Il n'y a jamais trop de bonheur. Oui, ça, c'est le nom d'une autre émission, par contre, pas là de l'utiliser. Non, il mais. Il jamais de bonheur, mais jamais trop de bonheur. Non, c'est pas trop, ça. Trop de bonheur. Non, bonheur? C'est pas ça. Jamais de bonheur. C'est le fond de bonheur. C'est ça. Pas ça. Je sais pas. De toute façon, j'écoute pas, bon. Pas ça. Pas bon. J'écoute pas ça. Pas bon. Arrête de me parler, j'écoute mais pas ça. Pas bon. Bon. Toi, on va à la plage. Les fausses chicanes, c'est beau. Oui, la plage. Quelle belle place. Donc voilà, pour les instants classiques, retrouvez les capsules d'un instant classique sur assemblagerequis.com. Elles sont là au complet. Allez-y, téléchargez ça. Même chose pour toutes nos émissions. Assemblage Requis, les palmarès C'est Fou, tout est là. Assemblagerequis.com et surveillez la programmation complète de C'est Fou sur cfou.ca. Mais faites pas ça maintenant, là. Non, parce qu'on est rendu. À 18h. À 18h. Il y a un trou avant l'émission de 19h, donc allez-y pendant cette heure-là. Vous avez le temps. Voilà. Pour ce numéro 6, anglophone, ça donne à être The Damn Truth et Too Late qui monte de 10 places. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1, Abstinité de Saran Rap, qui est descendu de 5 places, malheureusement. Pas partout. Ben, bof. Je pense que c'est bien. Malheureusement, c'était pour être poli. Ben, c'est ça. Ça commence bye bye rock, fait qu'on va dire qu'on est au palmarès assez fou. Hein? Ah, c'est en plein ça. Au 89.1. FM? Ouais. We'll be right back. Damn Truth et la pièce Too Late. C'est la position numéro 6. Ça monte de 10 places. Du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, Obscenity de Saran Rap. Oui. J'allais le dire en anglais, Obscenity. Tout à l'heure, les positions 5 à 1. On va entendre entre autres Chantal Archambault, Rock Forest, Minotaurs et East Road. Qui s'en vient tantôt aussi? Qui s'en vient? Pas David Ferron. Ben oui. Mais calvaire. On s'en sauvera jamais. Oh, on t'inquiète ce qu'on aime. Là. Hey, quand on doit l'aimer en maudit. Hey, ça n'a pas d'allure. Reste là. Plein d'amour. C'est toujours la dernière de la saison pour les Palmarès et Fous. C'est la semaine du 29 avril 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Yves Plante. Hésitation. Mathieu Hésitation Plante. Je sais pas pourquoi on dirait que je mélange les noms. C'est de la dyslexie de nom autant que de la dyslexie de chiffres. Je voulais dire Stéphanie Charbonneau. J'étais quand même un peu. Là. Ben, ça sent bien ça. Tellement vous êtes tout le temps ensemble. Lui, ça va être Jean-Philippe Paradis. Voilà, mais ça y va à merveille, ça. Hein? Moi, je vais garder le même nom. Bon, je viens de voir David devant la porte. Ça s'annonce mal, tout ça. Hein? Ça s'annonce mal. Mais on s'en vient avec sa chronique qui a branché le monde dans quelques minutes. Il m'envoie des fingers. Fait qu'il est bien fin, ça. Des doigts d'honneur. Cet animal docile, oui, des doigts d'honneur. Des doigts de poulet. Oui. De la sauce barbecue. Ouais, j'ai pas vu ses jambes en short encore, peut-être qu'il y a des jambes de poulet. Oh non! Oh! Bon, est-ce qu'on en parle tout de suite ou on attend? Ben là, je pense qu'on peut le laisser rentrer. David, entre s'il te plaît. David a amené du yogourt. Méditerranéen. Oh non. Oh, non. Okay. OK, là on va pouvoir comparer le grec 0% avec le méditerranéen, c'est 7%. D'accord. On pense au fait que David amène du yogourt moelleux tout à l'heure. Pour l'instant, on s'écoute les positions numéro 5 du côté anglophone. C'est Minotaurs et New Believers qui montent de 10. Et du côté francophone, ça a monté de 5 places. Tombé frêle de Chantal Archambault. C'est les palmarès C'est fou, un condensé du pire de C'est fou. Et de notre meilleur yogourt. Ouh! Caroline, on trêle pis, hein? Ça. C'est Pilmarès. Pilmarès, c'est fou. Oh, c'est bon. Mais pas pire, hein? On la note. Ton fusil braqué à mes flancs, j'ai succombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois, me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Et j'agrippe à moi ce tronc plein d'envie de toi. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Et j'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. numéro 5. New Believers qui monte de 10 en 5e anglophone, pardon. Et de côté francophone, c'était Ton Beffrel de Chantal Archambault. Tout à fait vrai. En 4e, tantôt, on entendra Rock Forest et East Road. David Ferron va être avec nous aussi. Il est déjà en studio. On peut déjà lui dire un petit bonjour, David. Bonjour, David. Bonjour, vous allez bien? Ça, oui, très bien. Mais hein? Ben oui, on est content de te voir. Ben, c'est pas ça que tu m'as dit hors d'onde. Ben, j'allais me lancer un défi de ne pas s'insulter du tout, David Ferron. Et d'ailleurs, pour nous aider à le remettre encore à plus tard, Maxime Tanguay est avec nous via téléphone. Ça va, David? Pas David, excuse-moi, Colin. Hey, je me trompe de personne, c'est quasiment une insulte. Maxime? Ouais, c'est vrai que je trouve ça insultant. Non, c'est pas vrai, Maxime. Ben non, on s'aime dans le fond. Ben oui, Maxime Tanguay qui est apprécié de tout le monde et apprécie tout le monde, c'est à peu près ça? T'es comme une personne oui, pacifique? Oui, écoute, j'ai une grande boule d'affection dans la vie. Ben à peu près ça. Et t'es en direct via téléphone de ton appartement ou? Oui, je suis présentement confiné, si je peux dire comme ça, dans mon appartement sur la rue Bellefeuille à Trois-Rivières, donc voilà. La casa des huîtres? Si pardon? La casa des huîtres? Oui, la casette de l'huître, la casette de Lime aussi. On a même on a aménagé en fait l'année dernière, puis on a mis un petit coin là, dédié à la l'huître et à la lime. Je trouve ça plus drôle de dire l'huître parce que c'est comme les restaurants de l'huître, là, genre, c'est plus drôle. Oui, mais... en même temps, c'est mieux de dire l'huître parce que moi j'ai battu ma copine à la l'huître, mais je l'ai pas battu à la lime. Donc... Justement, je voulais t'en parler. Comment est-ce que tu vis ta défaite à la lime? Allez, je la vis très bien. Je crois qu'on a réussi à faire un maudit bon match, bon spectacle public. Et l'autre équipe, les Bourgognes, ont été vraiment agréables à rencontrer. Fait que pour moi, c'est mission accomplie. Là, de se rendre en série, de se rendre en finale plutôt, c'est déjà le but recherché au cours de la saison. La coupe, je suis très content pour les Bourgognes, ils le méritaient. Mais sincèrement, ce match-là était tout à fait exceptionnel. Je pense que le spectacle, mon Dieu, c'était juste incroyable. Là. J'ai eu toutes sortes d'émotions. J'ai même versé une larme à un certain moment. Donc, je pense que c'était vraiment mission accomplie pour les deux équipes. Oui, je sais, je suis désolé. Plus jamais je vais remontrer mes fesses. Je ne voulais pas te faire pleurer en faisant ça. Mais match, comme on disait, enlevant est très, très particulier parce qu'il y a beaucoup de remplacements dans les deux équipes. Donc, vous avez donné, tout le monde a donné 115 millions de pourcents. Les remplaçants n'avaient pas l'air de remplaçants du tout. Donc, vraiment, félicitations à tout le monde qui a participé à ce match-là. Félicitations aux animateurs et puis à tout le monde. Tout le monde. Oui, tout à fait. Puis je pense que digne de mention aussi, c'est la présence du Joker Band qui est le groupe de musique qui normalement accompagne la Lui à Québec, à l'Université Laval. On les avait invités pour nous accompagner dans notre finale. Je pense que ça a vraiment relevé le spectacle d'un bon cran, juste les avoir, puis d'avoir leur ambiance pendant les improvisations. Ah oui, c'était vraiment une idée de génie. Ça venait apporter un autre niveau parce que l'émotion était aussi vécue à travers la musique. Oui, exactement. C'est des musiciens assez exceptionnels. On peut leur dire... Écoute, fais-moi un film d'amour dans l'espace en 2028 puis il nous sortait exactement à bonne trame. Là, fait que c'est assez hallucinant de voir ça. Ah, c'est des génies. Merveilleux. Donc, évidemment, Maxime Tanguay, là, on parle d'improvisation, on parle de la lime, de la l'huître. Tout ça va être de retour à l'automne, c'est sûr. Toi, tu vas être de retour seulement dans la lime cet automne. Même chose pour Alexandra. Oui. On espère. En tout cas, on ne sait pas, mais... Mais du moins, Alexandra, j'avoue pas être au fait de sa décision, parce que dernièrement, elle m'avait dit qu'elle songeait peut-être accrocher ses Converse, mais avec la victoire, j'ai l'impression que ça peut changer, mais moi, effectivement, je vais de retour à la lime l'an prochain. C'est génial. Là, on peut plus suivre les aventures de l'improvisation dans ton émission En deux périodes. Pour l'instant, la saison d'été est commencée, donc c'est terminé pour En deux périodes. Tu vas avoir une émission éventuellement les mercredis, c'est assez fou, n'est-ce pas? Oui, mercredi, 19 à 21h, je serai en compagnie de deux charmants garçons, également de la l'huître, Philippe Grenier, que vous avez connu pour M ta nuit, les jeux du soir, ainsi qu'Antoine Lacasse, qui va faire ses débuts officiels à la radio. Je pense qu'il a fait quelques chroniques, mais il va vraiment faire ses débuts dans une émission. Donc, on est toujours en train de concocter le concept, là, mais ça devrait être super intéressant. J'ai bien hâte d'entendre ça. Ça va être super bon. Évidemment, tu as aussi participé au Palmarès C'est fou pendant la session d'hiver, donc on t'en remercie. Ça fait plaisir. Oui, et on va te suivre éventuellement peut-être. L'invitation est lancée pour les chroniqueurs. Donc, Maxime, peut-être fera une apparition une fois de temps en temps à notre émission estivale, on espère. On se croise les doigts. Oui. Ben, je vais faire tout mon possible, effectivement, pour pouvoir venir vous voir au moins 3-4 fois là, dans l'été. C'est merveilleux, ça. Maxime Tanguay, toujours un plaisir de parler. Stéphanie Paradis aussi. On sent encore la triforce, là, même malgré ta distance. Oui, mais ça, c'est intarissable. Là. Même si les éléments sont séparés, il y a tout le temps un peu de triforce. C'est une triforce faible, mais présente, constante quand même. C'est à l'intérieur une triforce faible, finalement. Triforce faible. Vu de même, hein? C'est un peu, en tout cas. Vu de même. Ah, mais loin des yeux, près du cœur. Tu vois, David, toujours là pour sauver les choses ou encore se mettre complètement dans le chemin. c'est une blague, oui, hein? J'avais dit que je l'insulterais pas, puis je l'insultais, moi. Ben oui, ça a pas duré longtemps. Et en plus, je trouvais ça tellement beau et pertinent ce que David vient de dire. Là. C'est très beau. Il est en train de faire littéralement son sac. Là, ben non, mais au pire, si tu t'en vas, tu me laisses-tu le yoga ou. Ah, non, il sort avec le yoga. Tu manques le yogourt, Maxime, pauvre toi. Non, on a oublié de te demander ton bulletin de santé. Là, t'es pas ici parce que, en fait, tu voulais être présent pour la finale. Je sais que t'avais hâte à la finale et pas mal assez fou pour la saison. Là, t'as encore un problème de quenouille. C'est ça, hein? Non, ce n'est pas le quenouille. Écoute, mon corps semble avoir vécu la session beaucoup plus dure que moi, ce qui m'abandonne tranquillement. On dirait, mais non, j'ai énormément. C'est vraiment bizarre de trouver ça étrange. J'ai vraiment beaucoup de problèmes de segment de nez ces temps-ci. Ce matin, je me suis retrouvé assis dans la salle de bain pendant un bon 20 minutes à me dire, pour moi, je vais tomber dans les pommes. Donc, Non, mais on a été témoin de ça en direct en studio il y a quelques semaines où tu as saigné dans nos faces. Oui, oui, bon, ben c'est oui, effectivement, je parlais, puis boum, ça s'est mis à. Boum, chocolat-ca. Boum, chocolat-ca. Donc, c'est toujours ce qui est en vigueur, puis j'essaie de me reposer, de prendre du repos pour essayer de voir là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ben, je pense que tu le mérites, là. Quand on se met à saigner du nez comme ça. Un petit peu de repos, ça fera pas de tort. Hein? Le petit garçon, ouais, il travaille fort. Maxime Tanguay est un gars qui s'implique partout et... Puis là, ouais. Ben, il saigne partout. Il saigne de partout. Oui, c'est ça. C'est comme si je saigne partout, effectivement. C'est karma. Sur une scène d'impro, là, mais j'en suis bien content, mais c'est niaiseux, mais c'est un facteur de stress à chaque fois. Là. C'est clair. Ouais. Donc voilà, prends rétablissement et passe un beau moment jusqu'à temps qu'on se revoit. On va se recroiser pendant l'été, j'espère bien. Ben, je l'espère aussi. Puis merci beaucoup de m'avoir invité au palmarès au cours de l'hiver. Et ce sera à la prochaine, et j'espère à bientôt. Ah yes! Merci Maxime Tanguay. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. C'était Maxime Tanguay en direct via téléphone de son appartement, la Casa del Huitre et de la Lime. Ça fait espagnol. David Ferron, vous le savez, ça revient dans quelques minutes. C'est branché le monde. Hein? Oui, bonjour tout le monde. Il va se brancher le monde, oui. Ça va très bien. Qu'est-ce qui va se brancher? Le monde. Okay. Oui, avec un groupe de jazz dance. Jazz dance. Mon Dieu, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, ça. Dis-toi avec un petit coin de bouche, je fais comment? J'ai hâte de voir les... Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait tout à fait ça. On est très ouvert à l'esprit, David Ferron. Et vous allez être emballé. Ah, ben, coudonc, ça promet. Tu vois, si tu nous avais présenté du rap, j'aurais compris que tu nous disais tu vas être emballé, rap. Ah, non, merci. Oui, Dieu, non. Ah, OK, on s'en va au prochain bloc, c'est-à-dire les positions numéro 4. Du côté anglophone, ce sera Issue des O-Love qui monte de la 9e place. Et du côté francophone, ça a descendu de 2 petites places. C'est pas trop grave. La drogue en moi de Rock Forest. Je t'apprécie ça, David Ferron. C'est des palmarès, c'est fou. 89 yeah. FM. Crazy, crazy, crazy. Le film? We'll be right back.

toujours à la finale de la saison des Palmarès des Fous avec Stéphanie Paradis. Et toujours avec Mathieu Plante. David Ferreux est toujours là. Je suis encore ébahi par les émotions procurées par les yogourts. Sérieusement, ça a fait ma semaine. C'était une belle expérience. Mais Mathieu, est-ce que tu as goûté au yogourt? Non, j'ai pas eu le temps. Tout le monde placotait pendant la pause. Voyons donc, on écoute les publicités. Comment on vous vend des affaires? Ah ben ouais, mais ça se peut qu'il en reste plus. Je m'en viens. David Ferreux, c'est le moment de brancher le monde. Attention, oui. On a une intro particulière, je pense, aujourd'hui. J'ai tout expliqué. C'est comme du dubstep, mais fait live avec des vrais instruments. Ouais, exactement. C'est comme du bio dubstep. C'est bon, c'est pas mauvais. Pour du dubstep, sérieusement. Et je dis qu'on commence la vraie chronique qui a branché le monde. On va mettre ta vraie intro quand même, hein? Ouais! Je sais pas comment encore qu'elle finisse la chanson. Donc, branché le monde, David Ferron qui est avec nous aux deux semaines ici au Palmarès C'est fou. C'est la dernière chronique de la session, évidemment. Oui, mais heureusement, ça revient en émission la semaine prochaine. Oui, spin-off, une série dérivée d'une chronique. C'est quand même rare que ça arrive ici à C'est fou. Donc, félicitations pour ta promotion. ça fait plaisir. Puis en plus, surtout que c'est quand même stressant parce que je fais... C'est comme la première partie du Palmarès version été. Oui, tout à fait. Des Palmarès, c'est d'assemblage requis qui va commencer à 14h les jeudis après-midi tout l'été. Toi, tu vas être en début d'après-midi, c'est à midi? Oui, midi, 13h à confirmer, mais ça va être à ce moment-là que si jamais vous avez passé un avant-midi de M et que vous n'avez pas eu le temps de manger des yogourts grecs, eh bien moi, je vais être votre soleil de votre après-midi. Ah, oh, notre petit citron. Oui, exactement. Oui, on a envie de te tordre. Un citron graisseux. Ben, c'est parce que c'est gras, le yogourt au citron. Ah, je suis pas gras. Non, t'es onctueux. Oh. Ah. C'est cute, dit de même, hein? OK. Je vais manger une bouchée. Prends une bouchée pendant qu'on présente Moon Hooch, qui est la formation que tu vas nous présenter aujourd'hui. Je sais pas si c'est un groupe encore, mais tu vas nous en parler, j'imagine. Oui, présentement, excusez-moi, je suis encore sous les émotions de ma bouchée de yogourt. Que je t'ai à peine laissé le temps de prendre pendant que je parlais pendant 2 secondes. Mais en fait, ce qu'on vient d'entendre avant l'intro, c'est justement un extrait du groupe Moon Hooch. Qui est Moon Hooch? C'est 3 musiciens qui viennent de New York. En fait, ils se sont rencontrés à la New School for Jazz and Contemporary. Et à Contemporary Music. Ça, c'est une école de musique à Manhattan. Et ces 3-là se sont rencontrés là. Et en fait, on a parmi les membres du Moon Hooch... Wendy McGowan, qui est saxophoniste ténor. En fait, un saxophone ténor, c'est des sons davantage aigus, qui est également musicien de EWE, qui est en fait une espèce de musique avant électronique. Donc, t'as une espèce de synthétiseur, mais que tu souffles. Un synthétiseur soufflé, genre comme un clavier, mais dans... C'est comme une clarinette électronique. Ah, OK. Comme un guitar. Exactement. Okay. Et qui est également l'espèce de leader du groupe, si je faisais ça comme ça, parce que c'est le producteur aussi, un des producteurs du groupe. Okay. On a également James Muscler à la batterie et Mike Wilbur au saxophone baryton. Ça, c'est un petit peu plus grave. Donc, on a 2 teintes de saxophone ainsi qu'une batterie. Donc là, ça fait jazz, mais comme on vient d'entendre, ces 3-là se sont dit, ben oui, on fait de la musique jazz, mais comme on veut se faire de l'argent puis vivre de notre musique, eh bien, on va un petit peu mettre de musique électronique, mais avec nos instruments et non avec aucun ordinateur. Donc, c'est comme de la dance bio, si je peux dire ça comme ça. C'est intéressant comme concept. Vraiment. Oui, puis en plus, en fait, Wendy McGowan, qui est le saxophoniste ténor, a mis une espèce de carton dans son saxophone pour faire une espèce d'effet. Puis aussi, avec son, sa clarinette électronique, son instrument à vent électronique, c'est que ça lui permet de faire des rythmes beaucoup plus rapides. OK, c'était un peu comme tu dis, mettre un carton. C'est comme les enfants à l'époque, quand ils mettaient un petit carton de d'allumettes là, dans leur vélo. Oui, pour c'est ça. Faire comme s'il y avait un bessac à gaz. Oui, exactement. Ou comme les sans-abri qui mettent du carton partout, ça doit être pour ça aussi. Faire plus de bruit. Non. Ben, non. C'est vrai que c'est important de les remarquer puis les aider, mais c'est plus une stratégie de survie. Tandis qu'eux, c'est pour des raisons. Gorge donc ma joke, voir. Oui. On rit pas. On rit pas des sans-abri, bon. Bon, OK. Non. Oups. C'est comme rire des charrous. Ils n'ont rien fait, les charrous. Les charrous. J'ai vraiment l'habitude de rire des charrous. Hein. Ben mais non, mais oui, ça compte pas, c'est un chat. Il a le droit d'être roux, lui. C'est pas comme si c'était un être humain et qu'il avait des droits. Ah! Les palmarès charrous. Les palmarès, c'est fou. Ah. Je vais l'écrire, ça. Les palmarès charrous. Oui, fait que là, pendant que tu prends des notes, David pourrait continuer, oui, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Excusez-moi, je suis comme en train de me dire faut que je mange une prochaine bouchée de yogourt. Ah, c'est bon, ouais. Ah, trop hey, ça fait de la bonne radio, ça, de prendre ça. Pendant que moi, je me reviens pour écrire, il n'y aura plus rien. Bon. Ben, moi, au pire, je pourrais monologuer sur le fait que. Écoute, le yogourt, c'est vraiment bon, puis. Non, j'ai absolument rien à dire, là. S'il te plaît, David Rambert. OK. Et pour finir avec le groupe, le trio commence à faire de la musique dans le métro de Brooklyn. T'as du yogourt sur le menton? Oui. T'as du yogourt sur le menton? Ça a l'air louche, dis de même. Hein? Non, il y a quelque chose de blanc sur le bord de la bouche. Je pouvais pas le dire. Là. C'est juste trop drôle. On est à radio, c'est ça le pire. Personne me remarque. Ah, mais... oh, Bermesan, je vais prendre une photo. Oh, oui. Non, non, c'est pas vrai. Mets-toi pas le menton dans le yogourt, s'il te plaît. Je veux continuer à en manger. Hey, on a trop de fun pour notre case horaire. OK. Pour retourner au groupe new-yorkais Moonouch, en fait, ce groupe-là voulait s'appeler Moon Juice. Ben, Moon Juice? Ben, les... Comme jus de lune? Ouais, exactement. Puis lune étant souvent des fêtes. Ouais. Yeah! Fait que ça a l'air bizarre. Vu de même, mais en fait, le problème, c'est que Moon Juice, il y a plusieurs groupes qui s'appellent comme ça. Ah! Donc, pour... Pourquoi? C'est ça? Pourquoi? Moi, ben, je me le demande, mais ça a l'air que les gens sont inspirés. Mais au lieu de s'appeler comme ça, ils vont s'appeler Moon Ouch, qui est l'eau de vie de la lune. Hooch, c'est une sorte d'alcool que tu fais souvent dans ton bain aux États-Unis. C'est bien populaire, faire du hooch. Comme de la baboche? Comme de la baboche. Ben, c'est pas, ben, pas mal exactement ça, je pense. C'est littéralement de la baboche. Ben, c'est de l'eau de vie. Ben, c'est ça. Ah! Ben, coudonc, OK. Baboche lunaire. Oui! Oh. Mais le son est vraiment loin d'être baboche et au contraire, ça peut être... En fait, c'est du jazz de micro-brasserie post-moderniste. Oh! Rien de moins? Ouais, et en fait, ils définissent leur son comme du cave music. C'est eux qui ont décidé d'employer ce thème-là parce qu'en fait... Musique de cave! Maudit marron! Mais non, de la musique de métro spéciale parce que... en fait, la cave music, c'est du house, du dubstep, du drum and bass et du jazz, mais tout ça fait avec des vrais instruments. À part le EWI, qui est davantage un instrument clarinette avant électronique, mais... Ces trois-là décident de jouer au métro. Et là, finalement, ça a l'air qu'ils se font expulser du métro. Parce que leur musique se vire en rave party dans le métro. Donc, c'est devenu des parties complètement fous. Je sais pas s'il y avait de la consommation ou pas, mais... Ben, probablement. Si ça finit en rave, ça va finir en sex, drugs, and rock, roll. Moi, ouais, peut-être pas à ce point-là, mais les gens trippaient. Le métro était devenu un gros dance floor. Un happening. Exactement. Et la même chose quand ils se posaient dans les parcs. Et ils ont également des groupies. Des groupies qui envoient des lettres comme « Chérie, ce soir, mon lit, je le trouve un petit peu trop large. » Si vous comprenez ce que je veux dire par « lit large ». Mon lit, je le trouve un petit peu trop large. Voudrais-tu le remplir, s'il te plaît? Oui. Dans ce sens-là. Coucher ensemble. Bon, des groupies qui ont le goût d'avoir du fuck avec le groupe. Est-ce que c'est plus clair? Ben ça pourrait pas être plus clair, en fait. Excellent. Ouais, dis-le même. Donc, ils ont déjà un fanbase, même si leur carrière se fait surtout à New York et dans les États alentours comme le Vermont. Parce qu'ils ont commencé à faire des tournées de bars, dont notamment, il y a quelques mois, ils ont fait le Knighting Factory. Ça, c'est un bar dans le coin de New York. Et en fait, ils ont été le bar, pas le bar, mais le groupe résident pendant 6 mois. Et à chaque fois qu'ils se posaient en spectacle, c'était sold out. Guichet fermé. Donc, pendant 6 mois, ils ont été le groupe permanent du Knighting Factory, qui est en fait une belle salle où il y a 300 places. Mais quand même, pendant 6 mois, c'est quand même bon. Là. Ben oui. Pour un groupe émergent qui n'a pas de compagnie de disques, oui, ils ont une compagnie de disques, mais qui ne sont pas pistonnés par les radios ni par les grosses maisons de production. Et là, ce qu'on va entendre, c'est la chanson Law No. 4. On écoute ça à l'instant, Moon Hooch, dans Brancher le monde avec David Ferron. Et ça vous ne laisse pas de manger le yogourt. J'arrive! C'était la chanson Law Number 4 du groupe Moon Hooch, tirée de l'album The Moon Hooch Album. Donc, c'est pas trop compliqué à retenir comme nom d'album. Moon Hooch, en passant, c'est M-O-O-N comme la lune, et puis Hooch, H-O-O-C-H. Exactement. Donc, eau de vie ou... Baboche. Ouais, exactement. Ouais. Donc, baboche lunaire. Toujours dans la chronique Brancher le monde avec David Ferron, la chronique musicale de partout dans le monde. Oui, là, c'est sûr que je suis très centré New York, mais fallait que je vous présente ce groupe-là. C'est trop... pas révolutionnaire, mais c'est assez pété de faire de la dance, mais avec des vrais instruments de musique. Tellement. T'as une autre pièce à te faire entendre. Oui, mais avant, je vais juste faire un petit commentaire sur leur album, The Moon Ouch Album, qui est sorti cette année. C'est un... Si on aime le jazz, on va aimer ça. Si on aime la dance music, peut-être que ça peut nous initier au jazz. Et si on aime le jazz et qu'on déteste la musique dance ou dubstep, peut-être qu'on va aimer ça ou peut-être qu'on va trouver ça bof. Bof. Ou on va triper sur la fusion des deux styles, ce qui est mon cas. Sauf que c'est sûr que ces trois-là, ils ont les mêmes instruments pendant tout l'album. Donc, ça peut faire comme un album The Lost Finger, puis à un moment donné, on fait comme au bout de la quatrième chanson. Bon, tu t'annes un peu. T'as compris le principe, là, puis on peut passer à autre chose. Exactement. Mais individuellement, ces pièces-là, ça vous met sur le piton le matin. Ça, oui. Puis un yogourt grec, là, ça fait... Ça révolutionne notre petit monde intérieur. Tu mets un yogourt grec et ça dans un blender. Exactement. Ah! Et ça fait Moonouch. Et Mathieu, tout à l'heure, qui disait qu'il aimait pas le yogourt grec, est tombé en amour avec celui-là. Je m'en ai acheté lundi à l'épicerie. Et voilà. Le soir de l'épicerie, lundi. On a fait un client convaincu. Hey, je pense que c'est le premier truc santé que Mathieu va vouloir s'acheter intentionnellement. Oui. Enfin. Bon. Est-ce qu'on peut aller entendre la pièce numéro 2? Oui, c'est la chanson Contra. Mais c'est pas dans leur album, c'est plutôt un single tout seul, mais on va l'écouter avec la chanteuse super belle Alena Spanger. On écoute ça, c'est dans la chronique Brancher le monde de David Ferron. Ouais. Pas mal assez fou. Close it, feels so great. C'était la chanson Contra du groupe new-yorkais Moon Ouch en collaboration avec Alina Spenger. Merveilleux, c'est dans la colline branchée du monde. David, beau travail, comme toujours. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir partagé des moments gustatifs et sensoriels avec moi aujourd'hui. Gustatif dans le sens de Gustave ou... Dans le sens de yogourt. OK. De yogourt gustatif. Sur tes papilles gustaviennes. Donc, David, on te retrouve à ta chronique « La langue dans ton oreille » qui a lieu cet été dans l'émission « Assemblage requis à la plage ». Oui, c'est vrai, puis ça va être la chronique « La langue dans ton oreille » qui va être un beau concentré de chansons francophones de partout dans le monde. Bien sûr, alors que « Branché le monde », qui est la chronique qu'on vient de faire là, elle va se série dérivée, c'est le verbe « série dérivée » en anglais, « spin-off ». Oui. Ça va être « Branché le monde », l'émission, et ça va être les jeudis en après-midi. Exactement, soit à midi ou 13h. Surveillez cfou.ca, ça va être révélé très bientôt. Oh, j'ai hâte. Voilà. Merci beaucoup, David. Évidemment. Nous, on va presque terminer l'émission. En fait, Stéphanie, tu vas m'aider à présenter les numéros 1 pour qu'on puisse te laisser partir, vaquer à tes autres occupations. Ben oui. De ta job, finalement. Ouais. Hein, c'est à peu près ça. Veux-tu essayer de comprendre mes jeux de mots? Ah, je peux essayer. Parce que le numéro 1, ça veut dire jeu de mots, même si on est en retard dans l'émission, puis quand j'essaie de reprendre mon souffle après un sketch de yogourt de la semaine tantôt, qui était tellement drôle, j'ai réussi, parce que j'étais comme un petit peu genre épuisé, surtout que David Ferron est tellement stressant par moment, j'étais comme à bout de souffle, et puis j'avais envie de lui mettre mon point à la fin de la phrase. Tu sais, mon point. Pas l'en face, parce que je serais pas de ce genre-là. Je suis pas si méchant que ça. Mon point à la fin de la phrase, ou encore 27. T'sais, comme des fois, les gens vont mettre 4, 3 petits... À l'heure de mettre 3 petits points à la fin de la phrase, ils vont en mettre 4. Je vois tout le temps ça. C'est fatigant. C'est 3 petits points, pas 4 petits points. OK? Puis pas 1, pas 6, pas 27 non plus. Là. Non. 27, le club des 27 petits points, ça marche pas en tout avec moi. Ça. Pour ça, c'est le côté francophone, on se comprend. J'avoue que mes jeux de mots sont difficiles. Il va falloir se lever très très de bonne heure en fait pour comprendre mes jeux de mots en se réveillant tous les matins à Assemblage requis depuis les dernières semaines, depuis le début de l'année. Finalement, on a des jeux de mots comme c'est difficile et c'est un effort constant que font les auditeurs de se réveiller tous les jours pour les comprendre. Mais je sais que dans le fond d'eux-mêmes, même s'ils comprennent pas, c'est quand même ça qu'ils veulent, des jeux de mots. Je le sais. Bon, maintenant, essaie de comprendre tout ça. Mais merci, je trouve ça fascinant de t'écouter monologuer comme ça. Pas facile. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va entendre le numéro 1 du côté anglophone qui est « I wake up every day » de Thomas Darcy. Et, mais tout juste avant, le numéro 1 du côté francophone, c'est « À bout de souffle » de Ponctuation. On écoute ça. Après ça, je vais faire un petit résumé de notre horaire d'été. Stéphanie, on te laisse partir. Hey, bye-bye. Désolé. Merci, Steph. T'es fine. Les autres, restez à l'écoute. Oh oui, partez pas parce que je m'en vais, là. 3 des Paparazzi Fous cette semaine. Donc, du côté anglophone, le top 3 est composé de The Vaccines avec Teenage Icon en 3e, Stable. En 2e, c'est Your Wife is Calling de Sound City. En 1er, on vient d'entendre Stable, Thomas Darcy et I Wake Up Every Day. En franco, en 3e, ça monte de 15, Edgar Bory et Journée d'enfer. En 2e, c'est Je me touche dans le parc des 3 accords. Et en 1er, on a entendu au début du bloc À bout de souffle de ponctuation sur leur album 27 Club ou 27 Club. Et bien voilà pour les palmarès, on se retrouve. En fait, c'était la finale de la saison. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on l'a mentionné plusieurs fois pendant l'émission. On va se quitter en disant merci à Stéphanie Paradis, à David Ferron, évidemment, à Maxime Tanguay, à Justine Renaud et à tous les autres qui ont participé à l'émission cette semaine et les autres tout au courant de l'année scolaire 2012-2013. C'est ça, ben, on va voir le CFU.ca pour la programmation d'été parce que la programmation d'été, ben, ça donne d'être composé de nous pas mal, hein? Parce que nous, on va se retrouver en vacances à l'émission Assemblage requis à la plage ou Assemblage requis, comme j'ai tendance à l'appeler de ces temps-ci. Il va y avoir là-dedans Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis, accompagnés de moi-même et de la grande famille de chroniqueurs d'Assemblage requis. Il va y avoir la musique des Palmarès et Fous. Donc, on va écouter le top 20 francophone une semaine et le top 20 anglophone l'autre semaine. On va être vraiment à l'intérieur de notre beau petit resort de C'est fou, loué pour l'occasion pour les 16, 17, 18 semaines de l'été. Et puis on va se retrouver avec les Palmarès C'est fou, évidemment, à l'automne. Pour l'instant, ben, fusion entre les Palmarès C'est fou et Assemblage requis. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. C'est fou.ca pour la programmation complète. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ces Palmarès C'est fou pour l'année au complet. Puis ben, c'est pas mal rendu que je me répète à la fin. Hein. Fait que, bye! Allez. Au revoir! Bon voyage! Yeah.